et viendront des années pâles et faibles, préservées dans la gaze. Et chacun aura ses quelques grammes de bonheur. Et toutes choses ne seront plus en lui que de belles ruines. Extrait de Prophetikon de Odysseus Seletis. Bien sûr, il y a toutes ces défaites et ces hommes qui inclinent la tête. Bien sûr, certains préfèrent attendre, laisser perdre ce qu'il faut défendre. Mais sous les cendres, la braise brûle encore. Et pourquoi attendre si l'hiver est mort? Mais sous les cendres, la braise brûle encore. Et pourquoi attendre si l'hiver est mort? Bien sûr, tout se vend et tout s'achète, et c'est flux que plus rien n'arrête. Bien sûr, les regards ne brillent plus que dans le lac des reflets perdus. Mais sous les cendres, la braise brûle encore. Et pourquoi attendre si l'hiver est mort? Mais sous les cendres, la braise brûle encore. Et pourquoi attendre si l'hiver est mort?